T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule, joli môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, joli môme. T'as le rimmel qui fout le camp, c'est le dégel des amants, joli môme. Ta prairie, ça sent bon, fais-en don aux amis, joli môme. T'es qu'une fleur du printemps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une rose éclatée que l'on pose à côté, joli môme. T'es qu'un brin de soleil dans le chagrin du réveil. T'es qu'une vampe qu'on éteint comme une lampe au matin, joli môme. Tes baisers sont pointus comme un accent aigu, joli môme. Tes petits seins sont du jour à la coque, à l'amour, joli môme. Ta barrière de froufrou, faut se la faire, mais c'est doux, joli môme. Ta violette et le violon, qu'on violente et c'est bon, joli môme. T'es qu'une fleur de passe-temps qui se fout de l'heure et du temps. T'es qu'une étoile d'amour qu'on entoile au beau jour, joli môme. T'es qu'un point sur les i du chagrin de la vie. Et qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qui éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne qu'on est feuille monotone. T'es qu'une joie en aller, viens chez moi la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue et ma boule, joli môme.